veux parler de moi. Vous pouvez faire entrer les caméras. L'appartement n'est pas bien grand. Comme ça, vous ferez des gros plans. Je veux parler de moi. Ça fait si longtemps que j'attendais ça. Je veux compter aux yeux du monde. Concentrer sur moi toutes les ondes. Je veux parler de moi. De mon ménage qui ne tourne pas. De mes pots de fleurs et de mes chats. Je veux parler de moi. De mes soucis, de mes tracas. De ma boulimie, de mon eczéma. Je veux parler de moi. De mes doigts souvent brûlés par l'argent. Des factures, des recouvrements. De la commission de surendettement. Je veux parler de moi. De mes vacances chaque année au camping. De ma fille criblée de piercings. Et de ses collections de strings. Je veux parler de moi. De la rébellion de mes enfants. De mes insomnies, de mes calmants. Je veux parler de moi, de mes infections, de mes addictions, de mes nombreuses obsessions. Je veux parler de moi, de la maladie bizarre du petit dernier, de la drogue que prend son aîné, et puis de leur garde alternée. Je veux parler de moi. De ma sexualité mal assumée. De mes désirs inavoués. De mes soirées encanaillées. Je veux parler de moi. J'ai pas fait grand chose de ma vie. Celle-là au moins je l'ai réussi. Je veux parler de moi. Je me suis vu au petit écran. J'en parlerai encore dans 1000 ans.